Bonsoir. Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge. Bienvenue à la dernière émission en français de Maskemini Markenes. Le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que... Aujourd'hui, vous pourrez écouter des camarades qui ont participé à l'émission de radio expliquer pourquoi cette expérience a valu la peine. De notre côté du monde, quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Mais ce sera pour plus tard. Avant, Maria, elle est 26e année, veut vous poser une question sur trois chanteuses dont on a beaucoup parlé cette année. Dit le proverbe à propos, si au soleil tu t'endors, de Biafine tu t'enduiras, si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras... Je veux commencer par une question. Quel est le lien entre Kate Ryan, chanteuse née en Belgique, Ella Fitzgerald, chanteuse américaine de jazz des années 40. Et France Gall, chanteuse française des années 60-80. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Après cela, vous allez tous me répondre que c'est leur métier. Et bien sûr, les trois sont chanteuses, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. C'est comme une gaieté, comme un sourire, voilà un indice. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. Si je dis Ella, Ella, ça vous dit quelque chose. C'est l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Et si vous écoutez un petit morceau de la chanson du même titre? Parce que tout le monde a déjà entendu cette chanson chantée par Kate Ryan plusieurs fois à la radio, en boîte, et sûrement Beaucoup d'entre vous auront vu le clip vidéo de la chanson. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, je vous explique que cela se passe dans un avion où on peut voir une Kate Ryan habillée en hôtesse de l'air qui danse en se déhanchant pendant qu'elle fait un clin d'œil et se touche de façon provocante. Vraiment, je me demande si elle est consciente de ce qu'elle chante. On ne dirait pas, parce que les paroles de la chanson n'ont rien à voir ni avec le lieu où le clip a été tourné, ni avec la chorégraphie qu'elle présente. L'origine de ces non-sens est que ce tube est une adaptation de la chanson de Franz Gall, Ella Ella, de son album Babacar, magnifiquement écrite et composée par Michel Berger dans les années 80, et qui porte sur le talent exceptionnel de la chanteuse de jazz, Ella Fitzgerald, d'origine afro-américaine. Cette chanson est par conséquent un hommage à Ella Fitzgerald. C'était là qui a cela que Kate Ryan ne sait pas. C'était là qui a cela qui nous met dans un drôle d'état, qui a cette drôle de voix, de joie. Et la Fitzgerald est là. Je vous invite à voir le clip vidéo de Franz Gall sur YouTube. Et je vous dis au revoir. Avec la version originale de Ella Ella, tirez-en votre propre conclusion. Bonne soirée! C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. Comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Eh oui, les vacances approchent. Nous sommes sûrs que cet été, vous allez danser en boîte la chanson d'Ella Ella. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, dire au revoir aux colocataires avec qui vous avez partagé votre appartement, tout comme ces trois élèves en première année que vous allez écouter. Ce sont de bons amis, mais des fois, le fait de partager la douche pose problème. Sandrine, comment faire demain matin? Tu ne te lèves pas avant 8h, n'est-ce pas? Mais si, je dois me lever à 7h30 pour être au travail à Neuville-Pile. Ah bon? Moi aussi, je dois me lever à 7h30. Et toi Antoine, est-ce que tu as cours à l'université demain matin? Oui, à 9h. C'est pas vrai. Et j'imagine que tu te lèves aussi à 7h30? Oui, bien sûr. Et à cette heure-là, je dois prendre une douche. Sinon, je n'arrive pas à me réveiller. Vous ne vous douchez pas le soir, vous? Non, toujours le matin. Moi, si, parfois, avant de me coucher. Ceux qui ne me tuent pas me rendent fort. On pourrait en venir aux mains. Et maintenant, comme promis, vous allez écouter les camarades qui ont participé à l'émission de radio expliquer pourquoi cette expérience a valu le coup. Même sans toi, j'irai bien. Au soleil. Bonsoir, je m'appelle Martina et je suis une élève de la première année du niveau intermédiaire. Un jour, quand j'écoutais la professeure demander notre participation à la radio de l'école, j'étais vraiment enthousiasmée par ce projet. D'abord, j'ai toujours été intéressée par ce type d'activité de communication et d'expression dirigée aux élèves, soit dans les journaux, soit à la radio, qui leur permet d'annoncer des événements culturels, musicaux et surtout d'exprimer leurs idéaux. Mais en plus, l'idée d'utiliser une langue étrangère comme le français, c'est encore mieux, puisque ça permet, avec la participation des étudiants, d'améliorer la connaissance et l'apprentissage de cette langue. Avec toi, j'irai bien. Bonsoir, chers auditeurs. Je m'appelle Antonio et je suis très content d'avoir l'opportunité de m'adresser à nos copains auditeurs. Je suis ici pour exposer mes impressions sur ce programme. À mon avis, cette expérience radiophonique est si intéressante parce qu'elle permet, surtout aux élèves de l'école, d'apprécier la musique, la poésie, le cinéma français. Cela nous a permis aussi de connaître un peu mieux nos professeurs stagiaires, leurs loisirs, les traditions de leur pays d'origine, etc. Mais si je crois que ce projet est particulièrement important, c'est parce qu'on offre, spécialement aux élèves, l'occasion de montrer les connaissances acquises tout au long de l'année scolaire. Et si nos copains sont capables de venir ici à la radio et s'exprimer dans la langue qu'ils sont en train d'apprendre, nous tous pouvons le faire. Ça doit servir de motivation pour tous, pour nous faire perdre la peur de parler à voix haute, de parler en public. C'est alors une méthode appréciable pour donner de la confiance aux étudiants pendant l'apprentissage. Et pour finir, je profite de l'occasion pour souhaiter à nos auditeurs de bons résultats aux examens et de bonnes vacances. À bientôt. M'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus. Bonsoir, je m'appelle Luis. Je suis en troisième année à l'école officielle des Landes. Cette activité à la radio a été une très agréable expérience, même si le moment de l'enregistrement est normalement un peu dur. Le microphone, ça t'énerve, mais ça vaut la peine et ça sert à remercier nos professeurs qui nous ont beaucoup enseigné et à nos copines et à nos copains qui ont beaucoup de charme. Pour vous que l'année prochaine, on se retrouve de nouveau à l'école. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et merci de votre écoute. Bonsoir, je m'appelle Guillermo et je suis un élève de la troisième année. Je crois que l'expérience est très intéressante. En premier lieu, c'est une bonne occasion pour améliorer la prononciation parce que la prof nous aide à fixer certains points de phonétique. Puis, on fait un effort pour écrire un texte clair avec les idées principales. En plus, on n'a pas tous les jours l'opportunité de parler à la radio. Et finalement, c'est une bonne idée de mettre sur le site web de l'école l'enregistrement audio et la transcription des textes. Je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir. L'année prochaine, ce sera votre tour. Bonnes vacances et à la rentrée. M'exposer un peu plus au soleil.